Alors, Michel, tu es avec nous? Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la manifestation du 1er juillet, manifestation anticoloniale et anti-impérialiste dans le cadre du soi-disant 50e du Canada. Alors pourquoi faire une manifestation le 1er juillet? Ben, nous, on considère que c'est quelque chose de vraiment problématique qu'on célèbre un 150e anniversaire, alors que c'est en fait le 150e anniversaire d'une conquête violente et vraiment injuste qui a été faite par le gouvernement canadien sur des terres autochtones où il y avait des gens qui vivaient depuis des millénaires. Et puis le fait de célébrer ce 150e anniversaire, ben, c'est d'effacer concrètement l'histoire des peuples autochtones qui habitaient sur le territoire auparavant. Et en plus, cet effacement de l'histoire des communautés autochtones qui étaient là auparavant, ça s'inscrit dans le déploiement des puissances européennes sur le territoire canadien, sur le territoire, c'est soi-disant canadien, sur le territoire de l'Amérique du Nord, le territoire de l'île de la Tortue. Dans le fond, sur ce territoire-là, ça s'inscrit dans une tradition violente et puis quand même problématique qui a été décrite comme génocidaire par plusieurs communautés autochtones. Que veut dire le 150e d'un point de vue anticapitaliste? Ben, concrètement, ça fait 150 ans qu'il y a un gouvernement qui contrôle les trucs. Et puis, concrètement, les dynamiques dans lesquelles sont inscrites, c'est-à-dire une limite de propriété privée, c'est-à-dire un principe basé sur les individus, c'est-à-dire les poursuites sont faites contre des individus particuliers, et puis concrètement, c'est la mise en place d'un régime qui base sur l'exploitation et puis sur la croissance économique aux dépens des écosystèmes, aux dépens de l'écologie, aux dépens du fonctionnement de la vie de toutes les gens qui vivaient déjà là de manière autonome et de manière autosuffisante. Quand vous reconnaissez l'île de Montréal, qu'est-ce que vous reconnaissez? Quand on reconnaît l'île de Montréal? Oui, que l'île de Montréal est bâtie sur des territoires volés. Oui, ben, faut absolument. Oui, on reconnaît ça. On reconnaît que. La création du Canada, la création de Montréal, à date, c'était bien avant les violences qu'ont subi les communautés autochtones. Si jamais il y a eu des traités, si jamais il y a eu des négociations, c'est toujours a posteriori, toujours après avoir fait une conquête du territoire, après avoir fait un bouleversement léger ou fort des différents écosystèmes qui étaient en place, c'est automatiquement créé un rapport de force vraiment illégal pour les communautés autochtones qui essayaient de vivre sur le territoire. C'est ça, effectivement, ça va toujours avoir c'est toujours une prise de contrôle qui a été faite de manière violente. Vous, Michel, vous êtes de la convergence des luttes anticapitalistes. Quel lien vous faites entre l'anticapitalisme et l'anticolonialisme? Je peux parler pour moi, tu sais, je veux dire, c'est ça, en tant que personne qui a fait beaucoup de militance dans le milieu anticapitaliste, j'ai eu à croiser beaucoup, des fois, les chemins avec des militants anticoloniaux. Parce que concrètement, la croissance économique, faut toujours qu'il y ait une croissance économique pour que le système, que les gouvernements restent en place. Alors concrètement, il y a toujours des nouveaux projets de développement. Par exemple, on n'a pas le choix de lutter contre les pipelines, à cause que concrètement, ça fait une reproduction économique de choses qu'on n'a pas besoin pour faire que les gens puissent continuer d'avoir un mode de consommation qui est problématique. D'un côté, mais de l'autre côté, le développement, par exemple, du pipeline, il se fait sur les terres autochtones. Fait que toujours, partout où on va lutter contre la croissance économique, partout où on va lutter contre des projets d'infrastructures problématiques, on va trouver sur notre chemin des alliés autochtones, anticoloniaux, qui vont avoir des perspectives similaires aux nôtres. Fait que pour moi, c'est une lutte qui est similaire, mais qui est similaire et qui est faite dans une perspective différente, mais qui s'en vont quand même à la même place. Est-ce qu'il y a une tradition ici, dans ce qu'on appelle le Canada, de manifestation du 1er juillet? À Montréal, il y a eu quelques tentatives de le faire. C'est quand même assez difficile parce que fréquemment, les personnes qui sont essentiellement les manifs du 1er juillet, il y a toujours des gens qui sont nationalistes, des gens qui s'opposent à l'existence du Canada, mais qui ne s'opposent pas à l'existence du Québec, genre qui lutte un peu contre les manifestations du 1er juillet. Par contre, il y a quand même une certaine tradition l'intention, tu sais, je veux dire, de bloquer les anniversaires des villes, tu sais. Par exemple, à Québec, en 2008, il y a des gens qui étaient opposés à une marche militaire pour célébrer le 400e anniversaire de la ville de Québec parce qu'ils trouvaient que c'était fortement problématique, tu sais. Il y a eu la même chose qui s'est produite pendant, il y a eu déjà des marches anticoloniales, par exemple, à Montréal, il y a 2 ans, en 2015. Fait qu'il y a toujours une volonté que ça soit fait. Il y a toujours des gens qui travaillent à ça. C'est malheureusement pas une tradition aussi instituée, mais c'est un travail qu'on fait, tu sais, en essayant de laisser de la place, parce que souvent, tu sais, comme on fait des publications anticapitalistes, on essaie de laisser la place aux militants anticoloniaux, et puis aux militants, aux militantes anticoloniaux, anticoloniales. Et puis, dans le fond, on essaie de faire qu'il y ait un intérêt qui soit plus grand dans la communauté anarchiste à cette perspective-là, parce que, dans le fond, c'est une perspective qui est vraiment valide et qui est vraiment intéressante. Qu'est-ce que vous allez dire aux nationalistes québécois dont tu as un peu parlé, qui vont dire « Ah ben oui, nous aussi, on est contre le Canada, puis on va manifester le 1er juillet? » Ben, ce qu'on va leur dire, c'est « Vous n'êtes pas les bienvenus. Nous, on essaie de lutter pour qu'il n'y ait pas de gouvernement, remplacer le gouvernement canadien par un gouvernement québécois. On le sait, le problème, c'est les frontières. Fait que remplacer des lignes problématiques par d'autres lignes problématiques, ça ne réglera pas le problème des lignes problématiques. Fait que nous, on n'a rien à voir avec eux. Et puis, comment on se prépare et à quoi on peut s'attendre d'une manifestation anticapitaliste, anticoloniale, anti-impérialiste du 1er juillet? Comment on se prépare? Ben, moi, je dis toujours, la meilleure façon, c'est d'amener nos camarades. Plus on est fou, plus on rit. Et puis, c'est ça, c'est quand même le fun, genre, d'avoir des gens pour nous surveiller. On sait que la police à Montréal est parfois un peu plus agressive que dans d'autres endroits, même si on est blanc. Alors, faut toujours un peu prévoir en conséquence, essayer peut-être de s'amener des souliers de course, si jamais c'est possible, sinon juste penser à avoir des copains copines. Sinon, faut se rappeler que peut-être nous autres, on essaie de créer un rapport de force, on essaie de créer une certaine animosité au sein de parce que on fait une manif anticoloniale et puis on se rassemble à la statue Maisonneuve. Fait que dans le fond, nous autres, notre but, c'est quand même d'essayer de se faire voir puis montrer qu'il y a une critique du colonialisme qui est présentement en cours et puis dans le fond de quand même aller voir les gens qui sont en train de célébrer pour leur dire non, vous n'avez pas rapport. Fait que dans le fond, c'est ça. Nous autres, on va y aller, puis c'est ça. Au bas du tract, c'est dit aussi « Organisé dans le cadre de l'appel pour une journée nationale d'action le 1er juillet 2017 de I Don't Know More et de Defenders of the Lands ». En quoi vous vous situez par rapport à ces organisations qui ont appelé aussi à manifester le 1er juillet? Nous autres, dans le fond, on trouve que c'est important, genre, je veux dire, si on organise des trucs anticoloniaux, c'est pas nous autres qui avons le monopole du discours anticolonial, là. On reconnaît ça à 100%. C'est vraiment aux personnes qui sont victimes de la colonisation qui ont le plus à parler par rapport à leur question, par rapport au colonialisme. Dans le fond, nous autres, par rapport à ça, on est en train de... Ouais. On t'entendait plus, en fait. OK. Ouais. On trouve juste que c'est vraiment important que, dans le fond, qu'on soit... on suit les personnes autochtones qui prennent un leadership par rapport à la lutte contre la colonisation. Et puis, c'est ça, nous autres, on est choqués de les effacements de l'histoire, de plusieurs choses. Mais, tu sais, les gens qui sont le plus victimes, puis les gens qui vont être victimes des représailles du gouvernement, si jamais il y a un trop fort soulèvement, ça va être les personnes autochtones. Ça faut être quand même à l'écoute et puis en appui à ceux-ci, celles-ci. Et dans ce cadre, le I Don't Know More, Defense of the Villain appelle à une journée d'action nationale et peut-être même internationale. Alors, est-ce que tu voulais nous dire quelque chose avant qu'on se laisse? Dans le fond, on risque de se voir le 1er juillet à 11h à la place d'Arles. Bien, merci Michel. Ben de rien. Passez une belle journée. Oui, et si vous voulez en savoir plus sur les perspectives de la convergence des luttes anticapitalistes, vous cherchez sur Google ou mieux sur Scroogle ou sur Startpage, qui sont des pages qui... ne retrace pas vos IP. Alors, c'est comme vous voulez, vous pouvez choisir les corporations ou les indépendants qui protègent votre sécurité.